Je suis sur une autoroute comportant quatre voies à sens unique. Ici, je suis dans la voie qui mène vers Turin en Italie par la A40. Je vais à Annecy par la A41, dont les voies sont sur ma gauche. Il faut donc que je me rabatte à gauche. Mais pour le moment, il n'en est pas question. En effet, une voiture s'approche de moi et circule dans la voie de gauche que je veux prendre. Je dois la laisser passer. Réponse